Le casque bleu, toujours en colère, de nouveau en colère. Regarde le grand maître, il a 80. Ma casque bleu maillé, ma casque bleu ma zongi, balango ma kola ouka, balango ma kotoutouka. Ma casque bleu maillé, ma casque bleu ma zongi, balango ma kola ouka. Parango bako tutuka, parango bako baby sache, parango bleu bako baby parango bako tutuka, parango bako baby sa, parango bako baby ma casque bleu ma zongi, ma casque bleu ma coca, ma casque bleu ma coca, ma casque bleu ma zongi, ma casque bleu ma coca, ma casque bleu ma zongi, ma casque bleu ma coca, ma casque bleu ma coca, ma casque bleu ma coca, ma casque Parango bako tambwisa bongo ye, makaske bleba ye, makaske bleba zongi, parango bako lauke, parango bako tutuka. Tokola na biso na kas, tobotani na biso na kas, parango bako tungisa, parango bako bebisa mboka ye. Makaske bleba ye, makaske bleba zongi, parango bako lauke, parango bako tutuka. Le casque bleu. Toujours en colère, avec le grand maître Yoko, en direct de Visa 80, Bouloyo. Ma casque bleu baillé, ma casque bleu ba zongi, parango bako la ouka, parango bako tutuka. Mérite en coquille, rotingo aé, oncle ba pioce à l'élié. Ma casque bleu baillé, ma casque bleu ba zongi, parango bako lauka, parango bako tutuka. Papa kakele baleli, dada bilomba malopi, kino pongo luta baleli, pari osukami ba zongi. Ma casque bleu baillé, ma casque bleu ba zongi, parango bako lauka, parango bako tutuka. Si talele baillé, rosi tino ba zongi, boka mo pase baillé. Yo ma kislo la baleli, ma casque bleu baillé, ma casque bleu ba zongi, parango bako lauka, parango bako tutuka. On peut battre ce simisi le baleli, ani bobe a baleli, ma koki koki te baleli, kiki nyako se balopi. Ma casque bleu baillé, ma casque bleu ba zongi, parango bako lauka, parango bako tutuka. Ma sego ikete baleli, beju kutoko baleli, manga sama vungu baleli. Moule moule baleli o, ma casque bleu baillé, ma casque bleu ba zongi, parango bako lauka, parango bako tutuka. Kajo se toka baillé, ma baka baleli, merito aleli, oncle ba piuse alobi o. Ma casque bleu baillé, ma casque bleu ba zongi, parango bako lauka, parango bako tutuka. Yale konsengo aye, boli tepe alobi. C'est dit sous camille à l'obi, roxy lele balélié. Ma casque bleu baillé, ma casque bleu ba zongi, parango bako lauka, parango bako tutuka. Samate aléli, oncle yoko aléli, ma kose aléli, parango bako lauka. Ma casque bleu baillé, ma casque bleu ba zongi, parango bako lauka, parango bako tutuka. Et ça mon arène a fait que aléli, ma casque bleu baillé. Baye le lobe bimi simi tous les bonnes années à 80. Ma casque bleu baye, ma casque bleu ba zongi, parango bako lauka, parango bako tutuka. Oka, oka, oka, oka, oka, oka, oka, oka, sila uka, sila uka, sila uka, sila uka, na kuyama me, yala na kutwari koma. Look up,